Seymour. Derrière les vitres de la bibliothèque, par-delà la tempête de neige, la ligne d'horizon engloutit le soleil. Le blessé s'est traîné jusqu'au bas de l'escalier et s'est recroquevillé contre la première marche. Le sang qui imbibe peu à peu le haut de son t-shirt efface le mot gros dans « j'aime les gros pavés », teignant son épaule et son cou en cramoisi. Seymour est terrifié de voir une couleur aussi flamboyante s'échapper d'un corps humain. Tout ce qu'il voulait, lui, c'était faire sauter une partie des locaux du promoteur derrière le mur de la bibliothèque, envoyer un message fort, réveiller les gens, se conduire en guerrier. Dans quoi est-il allé se fourrer? Le blessé allonge sa main droite. Le radiateur siffle sur la gauche de Seymour et il émerge de sa paralysie. Soulevant le sac à dos, il s'empresse de le rapporter au même endroit, dans la section non-fiction, et le dissimule sur un rayonnage plus élevé avant de courir à la porte, scrutant l'extérieur par-dessus l'écriteau scotché à la vitre. Demain soir, représentation unique, la cité des nuages et des oiseaux. À travers le rideau de flocons au bout de la rangée de genévriers, il aperçoit comme enfermé dans une boule à neige la caisse du dépose-livre, le trottoir désert et plus loin, la forme de la Pontiac capitonnée de blanc. Une silhouette apparaît à l'angle, vêtue d'une parka rouge cerise, et se dirige vers la bibliothèque avec une pile de cartons de pizza. Marianne. Il verrouille la porte et éteint les lumières avant de filer à travers la section des ouvrages de référence, contourne le blessé et se précipite vers la sortie de secours au fond du bâtiment. Issue de secours, une alarme se déclenchera. Seymour marque une hésitation. Lorsqu'il retire son casque, les bruits déferlent à ses oreilles. Les gémissements de la chaudière, le flic-flac de la fuite d'eau, un son lointain et incongru qui évoque les stridulations des criquets. Et un autre qui ressemble aux sirènes des voitures de police, éloigné de quelques pâtés de maison, mais se rapprochant à toute allure. Des sirènes ? Remettant son casque, il appuie des deux mains sur la barre de la porte. Alors qu'il avance la tête sous la neige, un signal d'alarme électronique commence à mugir. Un essaim de lueurs rouges et bleues se déplace dans l'allée. Il recule à l'intérieur. La porte se referme et la sonnerie s'arrête aussitôt. À l'instant où il rejoint l'entrée principale, un 4x4 de la police, gyrophare allumé, grimpe à moitié sur le trottoir et manque percuter le dépose-livre. La portière s'ouvre à la volée. Le conducteur descend d'un bond et Marianne laisse tomber ses cartons de pizza. Le rayon d'un projecteur se braque sur la façade. Ils vont prendre les lieux d'assaut avant de l'abattre et ce sera terminé. Fonçant derrière le comptoir d'accueil, il pousse le meuble sur le paillasson pour bloquer l'entrée. Ensuite, il s'empare de l'étagère des livres audio, en voyant voltiger CD et cassettes, pour la traîner jusqu'à la fenêtre donnant sur la rue. Il s'y adosse pour reprendre son souffle, accroupi au sol. Comment ont-ils fait pour arriver si vite? Qui a prévenu la police? Se peut-il que l'écho des deux détonations ait porté jusqu'au poste à 5 rues de là? Il a tiré sur un homme. Il n'a pas fait exploser les bombes. Eden's Gate n'a souffert de rien. Il a tout gâché. Les yeux du blessé au bas des marches enregistrent chacun de ses gestes. Même dans cette lumière crépusculaire, ternie par la neige, Seymour voit bien que la tache de sang ne cesse de s'élargir sur son t-shirt. Ses écouteurs vert citron dans ses oreilles. Ils doivent être connectés à un portable.